Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la très difficile relation entre Pierre-Elliott Trudeau et Richard Nixon. Living next to you is in some ways like sleeping with an elephant. Vivre à vos côtés, c'est comme dormir avec un éléphant. Peu importe le tempérament et la gentillesse de la bête, on demeure affecté par tous ses tics et ses grognements. One is affected by every twitch and grunt. Cette boutade devenue célèbre de Pierre-Elliott Trudeau lors de sa première visite officielle à Washington en mars 1969 traduit parfaitement la manière dont il entrevoit les relations du Canada avec son voisin, le géant américain. Dès son arrivée au pouvoir, Pierre-Elliott Trudeau affiche sa volonté de prendre ses distances par rapport à Washington et de développer une politique étrangère canadienne qui soit indépendante de la politique étrangère américaine. Mais au-delà de cet ajustement de la politique étrangère canadienne face aux États-Unis, la relation entre Pierre-Elliott Trudeau et Richard Nixon sera très difficile. Les rapports ont été faciles, très décontractés. Le président m'a paru comme un homme non seulement charmant, mais d'un commerce agréable qui voulait à tout prix assurer son interlocuteur de son ouverture d'esprit sur tous les problèmes. J'étais frappé que dans toutes nos discussions, et cela a couvert beaucoup de sujets, jamais il y avait une tentative de sa part de nous imposer un point de vue. Ladies and gentlemen, as most of you are aware, the Prime Minister is the first official visitor. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, le premier ministre du Canada est le premier visiteur officiel depuis l'arrivée en poste de la nouvelle administration. En l'accueillant personnellement aujourd'hui, en tant que représentant de son pays, je pense qu'il est tout à fait approprié que M. Trudeau soit notre premier visiteur officiel. I do so, saying first that it is altogether appropriate that he should be the first official visitor to this country. Richard Nixon, en mars 1969, juste avant, vous entendiez Pierre-Elliott Trudeau, lors de la première visite officielle du premier ministre canadien à Washington, en mars 1969, justement. Pour nous raconter cette difficile relation Trudeau-Nixon, mon invité est Frédéric Bastien, qui est professeur d'histoire au Collège Dawson à Montréal. Frédéric Bastien, bonjour. Bonjour. Comment décrire la nature de cette relation entre Pierre-Elliott Trudeau et Richard Nixon? Bien, je pense que c'était une relation qui a été, comme vous le disiez, très difficile, qu'on pourrait peut-être résumer par deux faits importants qui sont ressortis. C'est une détestation profonde au niveau personnel, deux personnages idéologiquement et au niveau des personnalités très, très différents, et surtout Nixon vis-à-vis Trudeau, donc je pense que ça allait plus dans un sens que dans l'autre. Et cette détestation, cette opposition personnelle, tempéré par la raison d'État. Ouais. Donc, chacun a la charge d'intérêt qu'il doit protéger. Et chacun fait semblant d'apprécier ouais. l'autre. Chacun reste un peu sur son quant à soi par rapport à ses sentiments profonds. Mais donc, une espèce d'équilibre très difficile entre ces deux pôles. Et ça va aller très loin, en fait. On le sait maintenant parce qu'il y a eu, avec le temps, on révèle, il y a de l'information qui est publiée, en fait. Les conversations, par exemple, au bureau Oval, du côté américain, il y a eu des mots très durs oui, absolument. De Nixon à l'endroit de Trudeau. Absolument. Nixon enregistrait tous les visiteurs à la Maison-Blanche et avec le scandale du Watergate, ces bandes-là ont été éventuellement rendu public. Et à un moment donné, il est avec des conseillers et il va dire « Trudeau, c'est un crâne d'œuf pompeux », ce sont les mots qu'il va utiliser, ouais. « un trou de cul ouais. ». Et donc, en privé, il se déchaînait contre Trudeau. Parce que Trudeau était un libéral, non pas au sens du parti politique, mais au sens philosophique, un libéral de gauche. Et on disait aux États-Unis que c'était un peu le Kennedy canadien. Ouais. qui avait été l'adversaire de Nixon lors de l'élection de 1960. Tout ce que Nixon déteste. Exactement, tout ce que Nixon déteste, l'establishment de la côte Est, libéral, encore une fois, au sens philosophique, qui penche à gauche et qui, selon Nixon, sont des gens qui complotent contre lui, qui le détestent, etc. Ouais. Lui qui est un conservateur, il sent que les médias sont fortement biaisés contre lui. Et Trudeau est exactement avec ses idées, ce qu'il représente exactement dans cette mouvance, n'est-ce pas, que Nixon déteste, mais alors là, vraiment, de toutes ses tripes. Donc, inimitié réelle, sur des bases, vous le dites, là, c'est important, le personnel va peser lourd dans cette relation personnel tendue. Et idéologique. Idéologique, là, voilà. Puis il y a des dossiers aussi, forcément. Sur le fond, il y a des dossiers qui vont irriter Washington et qui vont irriter Richard Nixon. La bonne façon de voir d'où ça part, c'est de commencer au début de la relation, parce que très vite, cette inimitié va émerger là, entre les deux hommes et entre les deux pays. Oui, aussitôt que Trudeau arrive, il prend ses distances, il veut prendre ses distances de Washington. Oui, absolument. Trudeau a une politique nationaliste qui vise à essayer de prendre ses distances avec les États-Unis. Ça ne va pas réussir, mais c'est l'intention de départ. Et une des premières choses que Trudeau va faire, c'est de réduire la présence militaire canadienne en Europe en réduisant les troupes canadiennes de 10 000 à 5 000. Là, il y a des bases militaires canadiennes en Europe. On est à l'époque de la guerre froide, n'est-ce pas? Le Canada fait partie de l'OTAN. Et donc, Trudeau va jongler avec un retrait des forces militaires canadiennes de l'OTAN. Alors, il va avoir une révision de la politique. Et finalement, il va arriver avec ce compromis. Donc, on va réduire de moitié la présence militaire canadienne en Europe. Ça, c'est exactement le genre de choses que Nixon déteste. Parce que Trudeau est un donneur de leçons. Lui voit les États-Unis comme le pays qui doit faire face à l'URSS dans cette période de guerre froide, qui ne peut pas se permettre de réduire son rôle sans qu'il y ait des conséquences dramatiques au niveau international. Tandis que le Canada, évidemment, lui, est un pays, un contributeur tout à fait... pas très important. Ouais. Donc, le Canada peut un peu faire le resquilleur. Hein? Donc, et lui, si le Canada retire ses troupes, il n'y aura aucune conséquence. Et donc, et une façon la façon dont Trudeau fait ça, c'est un peu comme s'il faisait la morale. Et ça, Nixon, est vraiment, vraiment, ça l'horripile profondément. Le petit côté, non seulement gauchiste, mais pacifiste. Oui, exactement. De la part d'un pays qui n'est pas aux responsabilités au plus haut niveau. Alors, c'est ça qui... Et ça, Nixon, ça l'énerve pour plusieurs pays, pas juste le Canada, mais ça, c'est un exemple du genre de choses qu'il n'aime pas. Et ça arrive très vite, en fait, cette décision de retirer la moitié des troupes canadiennes qui participent au contingent de l'OTAN en Europe. Ça arrive très, très vite après cette fameuse première visite officielle de 69 de Trudeau à Washington. L'autre grand dossier, si on touche aux militaires, qui va être un irritant considérable entre les deux capitales et entre les deux hommes, c'est la question du Vietnam. Il faut dire que ça commence déjà avant. Il y avait eu des tensions entre Lester B. Pearson, le Canadien, et l'Américain Lyndon B. Johnson. Mais vraiment, le Vietnam, sous Trudeau-Nixon, là, ça va être assez croustillant. Déjà depuis janvier 68, le gouvernement fédéral avait orienté sa politique d'admissibilité des immigrants vers une certaine libéralisation et universalité. Poursuivant cette voie et désireux de clarifier une fois pour toutes les difficiles candidatures des déserteurs américains à la citoyenneté canadienne, le ministre de l'Immigration, M. McCacken, a émis aujourd'hui des directives qui dissipent toute confusion. L'appartenance aux forces armées de notre pays, ou encore une désertion réelle ou apparente, ne sera plus un facteur déterminant l'admissibilité d'une personne au pays, peu importe que cette personne se trouve déjà au Canada ou se présente à un port d'entrée ou à un bureau d'immigration à l'étranger. En d'autres termes, si un militaire de notre pays répond aux normes ordinaires de l'immigration au Canada, il ne peut être refusé parce qu'il est encore en service militaire dans son pays. M. McCacken a expliqué que le gouvernement avait basé sa décision sur le principe selon lequel la question de la présence ou l'appel sous les drapeaux est une affaire qui doit se régler entre l'individu et son gouvernement et non pas une question dont nous devons nous occuper. Ici Michel Godet à Ottawa. Extrait du Radio-Journal du 22 mai 69. Ça a commencé, cette tension entre Washington et Ottawa sur le Vietnam, avant que Trudeau et Nixon soient en poste, de Frédéric Bastien. Mais ça va atteindre une dimension encore plus... la tension va être encore plus grande quand les deux hommes vont être l'un face à l'autre. Qu'est-ce qui irrite tant Washington dans la position canadienne sur le Vietnam? Bien, d'abord, il y a le côté donneur de leçons. Pour ça, encore une fois, c'est quelque chose qui va irriter beaucoup Nixon. Et vous avez parlé de Pearson. Pearson avait dit, lors d'un voyage à Washington, un discours devant dans une université, il avait dit que les États-Unis devraient ralentir leur stratégie de bombardement du Nord-Vietnam. Et le lendemain, il rencontrait le président Lyndon Johnson, qui l'avait un moment vraiment épique dans les relations. Il l'avait empoigné, littéralement, physiquement. Il l'avait levé par le collet. Lyndon Johnson était assez costaud. Il avait dit, vous avez pissé dans ma cour. Et là, il y a des témoins. Alors après ça, du côté américain, on a nié, mais il y a des témoins qui ont vu très bien cette affaire. Et donc, ça énerve au plus haut point les Américains. Et là, Trudeau va faire quand même attention. Trudeau fait attention, mais la guerre du Vietnam, c'est tellement un enjeu émotif, c'est tellement un enjeu qui accapare l'attention que c'est très, très difficile d'éviter ce genre de dérapage. Et en 72, le gouvernement Trudeau est minoritaire, devient minoritaire suite à l'élection 72. Et là, le NPD, sur lequel les libéraux comptent pour se maintenir au pouvoir, présente une motion pour dénoncer la politique américaine, la guerre du Vietnam, etc. Et là, le gouvernement n'a pas le choix que d'embarquer là-dedans. Et ça va vraiment faire péter les plombs du côté américain. Encore une fois, on donne des leçons. Ouais. Et c'est quand même pas rien pour Washington. Non, le gouvernement canadien, pas le gouvernement, mais le Parlement fédéral, ouais, qui adopte une motion soutenue par le gouvernement, qui n'a pas trop le choix, ouais. Mais dénonçant la stratégie américaine au Vietnam. Oui, et Nixon est d'autant plus frustré que lui, il est dans une politique de désengagement. Ouais. Et déjà en 72, le niveau de troupes américaines a beaucoup baissé. Donc, autrement dit, il voit ça comme un sabotage de sa politique de désengagement. Donc, c'est encore pire parce que lui, depuis son arrivée, son but, c'est de retirer les États-Unis du Vietnam. Donc, il est encore plus mal reçu. Et il y a la question des déserteurs dont oui, on entendait vrai. L'extrait. Et ça, évidemment, ça irrite aussi les autorités américaines parce qu'il y a des dizaines de milliers de jeunes Américains qui vont venir au Canada. Les estimations varient autour de 30 000 jusqu'à 120 000, mais un nombre important d'objecteurs de conscience, de déserteurs qui vont traverser au Canada pour ne pas faire leur service militaire et éviter la prison. Et que le Canada leur ouvre les bras, ça horripile Washington. Oui, c'est ça. Mais Trudeau va répondre, aura la bonne réponse à ça. Il va dire, écoutez, il y a des milliers de Canadiens qui se sont engagés dans l'armée américaine et qui servent au Vietnam. On ne vous en tient pas rigueur. Et donc, là-dessus, il va avoir une réponse assez bonne, je crois. Autre dossier qui va irriter Washington, la reconnaissance hâtive entre guillemets, mais la reconnaissance hâtive de la Chine communiste par le gouvernement du Canada. Je vous propose d'écouter un extrait du téléjournal du 13 octobre 1970. Vous allez y entendre le secrétaire parlementaire aux affaires extérieures, André Ouellet, répondre aux questions du journaliste Jean-Marc Poliquin. Et puis tout de suite après, le chef du ralliement des créditistes à Ottawa, Réal Caouette. Je pense que le moment était venu pour les deux gouvernements d'établir des relations diplomatiques. C'est un geste extrêmement important qui a été posé aujourd'hui et il faut y donner une dimension mondiale plutôt que de le ramener à des considérations internes. Mais vous ne croyez pas que cette reconnaissance pourrait avoir comme répercussion, pourrait avoir l'effet d'être un encouragement au groupuscule maoïste dans la province de Québec? Je ne crois pas. Reconnaître la Chine communiste à ce moment-ci, alors que le gouvernement décide de lever l'armée canadienne, d'utiliser tous les corps de police fédéraux ou provinciaux ou municipaux et, pour essayer de trouver les membres du FLQ qui ont renfermé M. Cross, M. Laporte, à ce moment-là, que le gouvernement reconnaisse officiellement la Chine communiste, qui, elle, est devenue communiste par des agissements exactement identiques à ceux qui sont utilisés présentement par le FLQ de la province de Québec. Alors, je ne vois pas, moi, pourquoi le gouvernement est arrivé à ce moment précis, à ce moment-ci, pour nous déclarer cette amitié entre la Chine communiste et les Canadiens, alors que nous faisons la guerre au FLQ dans la province de Québec, qui, je répète, est exactement de la même essence que les communistes de Chine. Si le chef créditiste à Ottawa, Réal Caouette, s'offusque de la reconnaissance du Canada, du gouvernement chinois, de la Chine communiste, imaginez un peu la réaction que ça va provoquer à Washington, même si Washington, Frédéric Bastien, va faire la même chose pas très longtemps plus tard. Mais qu'est-ce qui... En fait, c'est peut-être cette reconnaissance, le Canada qui reconnaît la Chine communiste, Trudeau qui reconnaît la Chine communiste avant les États-Unis, c'est peut-être un renforcement, j'essaie de comprendre du point de vue de Washington, de cette image de gauchiste qui est associée à Trudeau. Oui, c'est ça. C'est toujours cette même image de gauchiste qui est associée à Trudeau. Alors moi, je pense que Nixon devait être assez proche de ce que Réal Caouette a dit. D'ailleurs, M. Caouette parle de la crise d'octobre. Quand M. Trudeau a fait voter la loi des mesures de guerre, alors il y avait un rapport qui avait été remis là-dessus à Nixon à la Maison-Blanche, il avait annoté pour un de ses conseillers qui lui avait fait suivre l'information, il lui avait dit, tu vas voir, en parlant des médias américains, des journalistes américains, ils vont défendre leur ami libéral. Libéral, encore une fois, non pas au sens du parti politique, mais au sens plus philosophique. Et effectivement, dans la presse américaine, le New York Times, le Washington Post, on va défendre la mesure de Trudeau, qui était en fait tout à fait anti-libérale. Et pour Nixon, c'était exactement cette espèce de complot des élites médiatiques, des politiciens de gauche comme M. Trudeau, qui marchait main dans la main. Alors, quoi qu'il fasse, on sera derrière, cette élite sera derrière lui. Exactement. Ouais. Alors que Nixon, lui, sentait qu'il était méprisé par cette même élite, etc. Ouais. Et ça le blessait profondément. Ouais. Les relations seront tendues et cette tension va s'exprimer commercialement aussi. On ne peut pas ne pas penser à la période actuelle. Où il y a des tensions commerciales et économiques entre le Canada et les États-Unis avec Donald Trump à Washington. Je propose de faire un bond en arrière dans le temps pour voir ce que le président Nixon réserve à tout le monde, mais aussi à son ami canadien, extrait d'un discours de Nixon le 15 août 1971. I'm taking one further step to protect the dollar, to improve our balance of payments, and to increase jobs for America. Je fais un pas de plus pour protéger notre dollar, améliorer notre balance de paiement et créer des emplois pour les Américains. De manière temporaire, j'impose donc aujourd'hui une taxe supplémentaire de 10 % sur les produits importés aux États-Unis. Monsieur Paquette, cependant, cela pose un problème peut-être plus considérable qui est celui des relations entre le Canada et les États-Unis. Il est bien évident que le Canada n'a absolument pas été prévenu. Et à votre avis, quelle est la réaction d'Ottawa devant ce manque total de consultation? Bien, écoutez, on ne peut pas s'attendre à ce que l'économie américaine, chaque fois qu'elle se déplace, qui est un gros morceau, consulte à peu près tous les voisins, y compris les petits voisins. À mon sens, c'est une stratégie qui devrait faire que le Canada se fait japonais, plus ou moins, c'est-à-dire qu'il reconnaît d'abord qu'on est un tout petit pays, et que l'adaptabilité, c'est la seule façon pour le Canada de s'en sortir. Le président Richard Nixon, le 15 août 71, suivi de l'économiste Gilles Paquet au micro de Gilles Courtemanche à l'émission Présent du 17 août 1971. Frédéric Bastien, quand Richard Nixon parle dans un discours de la Nation en août 71 d'imposer une surtaxe de 10 % sur tous les produits exportés aux États-Unis, c'est la panique à Ottawa. Ah oui, oui, c'est parce que pour le Canada, qui est le principal partenaire économique commercial des États-Unis, même si Nixon va dire que notre principal partenaire, c'est le Japon, ce qui va beaucoup offusquer le Canada. Et ce qui montre sa méconnaissance. Oui, exactement. Alors, et cette mesure-là a été annoncée sans qu'on pense particulièrement au Canada. Pas de consultation, là. Pas de consultation. Ottawa a été averti quelques heures à l'avance, comme plein d'autres pays, d'ailleurs. Oui, c'est la panique, parce que ça, c'est des dizaines de milliers d'emplois là, qui peuvent vraiment disparaître en claquant des doigts. Et donc là, le ministre des Finances va rencontrer son émissaire américain. Il se dit, au début, les Canadiens se disent, ça se peut pas qu'on soit visé, il y a sûrement une erreur. Or, effectivement, le Canada est visé. Même donc, le pacte de l'auto tient plus. Oui, c'est ça. Alors, le pacte de l'auto, qui est une espèce d'entente de libre-échange concernant la production automobile, donc qui a beaucoup joué à l'avantage du Canada depuis sa mise en œuvre en 1965. Donc, tout ça est en suspens et effectivement, c'est la panique pour le Canada. Et c'est Trudeau, finalement, qui va descendre à Washington, passez-moi l'expression. Ça va se ramasser au bureau de Kissinger, le secrétaire d'État américain, et là, on va réussir à sauver la mise. Oui, c'est ça. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que du côté américain, il y a quelques, disons, des diplomates, des hauts fonctionnaires qui connaissent mieux la réalité canado-américaine. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même dont c'est le travail de s'occuper de ça, et qui vont dire, écoutez, si on fait ça pour le Canada, c'est que ça va nous coûter énormément d'emplois. Le Canada est notre principal fournisseur de pétrole, de minerais, de bois, de plusieurs produits. Il y a des choses au niveau de la défense qui sont produites en commun, donc du matériel militaire, etc. Et si vous voulez, c'est un petit peu comme le Brexit. C'est très, très difficile de couper une relation économique entre les deux pays qui est très, très intégrée. Ouais. Et là, finalement, c'est ça que Trudeau va invoquer, cet argument-là. Mais il y a du côté américain, il y en a qui pensent comme lui, comme presque tout le monde pense du côté canadien, en fait. Et finalement, ça va faire en sorte qu'en un peu in extremis, là, le Canada va éviter ces mesures tarifaires là, protectionnistes de la part des États-Unis. It is time for Canadians and Americans to move beyond the sentimental rhetoric of the past. Il est temps que les Canadiens et les Américains s'affranchissent des rhétoriques sentimentales du passé. C'est maintenant le moment de reconnaître que nous avons des identités très distinctes, que nous avons des différences significatives et que ça ne sert les intérêts de personne lorsque ces réalités sont ignorées. Nos frontières et notre histoire pacifique le confirment. Our peaceful borders and our peaceful history are important symbols, to be sure. Notre politique à l'égard du Canada reflète notre nouvelle approche dans toutes nos relations extérieures, une approche appelée la doctrine Nixon. Cette doctrine repose sur le principe que des partenaires matures doivent avoir des politiques autonomes et indépendantes. Chaque pays doit définir la nature de ses propres intérêts, doit décider des exigences de sa propre sécurité et doit déterminer la voie de son propre progrès. Each nation must determine the path of its own progress. Le président américain Richard Nixon en visite officielle à Ottawa en 1972. Explication, Frédéric Bastien, comment il en arrive à prononcer ce discours? C'est quand même important ce qu'il dit. Au fond, c'est que ces deux pays-là... Au fond, est-ce que ce n'est pas la victoire, ce qu'on vient d'entendre, est-ce que ce n'est pas la victoire de Trudeau qui voulait prendre ses distances par rapport à Washington? Oui, c'est sûr que ce discours-là, dans les oreilles de M. Trudeau, est un discours qui a été très, très bien reçu parce que Trudeau a certainement apprécié du fait que Nixon prenait acte un peu de la politique étrangère de M. Trudeau, de prendre ses distances par rapport aux États-Unis. Et M. Nixon qui s'en vient dire, effectivement, c'est ce qu'il faut faire, il faut reconnaître nos différences. Il faut arrêter un peu de se dire qu'on est pratiquement identique ou presque identique, etc. En même temps, c'est l'accumulation. Vu de Washington, j'imagine, ils voient ce qui se passe, la façon dont évoluent les relations entre les deux pays, entre les deux hommes, Nixon et Trudeau, depuis 68-69. Puis ils se disent, ben voilà, il faut en arriver à cette conclusion qu'on s'est éloigné un peu. Oui, mais faut pas oublier que c'est de la rhétorique aussi. Parce que dans les faits, les relations économiques demeurent extrêmement proches. Alors, dans les faits, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui gardent les deux pays très proches l'un de l'autre. Mais certainement que Nixon a fait une fleur à Trudeau lors de ce discours. Alors, comme je le disais, c'est une inimitié profonde au niveau personnel, une opposition idéologique tempérée par... des impératifs économiques, entre autres, c'est ça. Tout à l'heure, on parlait du Vietnam. Donc, M. Nixon veut retirer son pays du Vietnam. Et il songe au Canada parce qu'il va y avoir une commission de supervision d'un cessez-le-feu en 73 qui va entrer en vigueur. Il faut qu'il y ait des nations neutres qui ne sont pas liées au conflit, qui prennent la charge de cette commission, des nations communistes, des nations non communistes. Et évidemment, le Canada, avec sa tradition de casque bleu, tout ça, pourrait être un joueur. Donc, Nixon doit ménager, malgré toute sa haine personnelle envers M. Trudeau, doit ménager son allié. Et ce discours-là, je pense, était justement... Ouais. C'était le but recherché. Frédéric Bastien, professeur d'histoire au Collège Dawson de Montréal, merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.